Chapitre 2. La postulante, la novice, la jeune professe. 1671-1673. Le monastère de Paray avait été fondé par celui de Lyon-en-Bellecour le 4 septembre 1626. Or, c'était un premier vendredi du mois, harmonieux dessein de Providence sur cette maison. En 1671, elle était gouvernée par la mère Marguerite Hiéronyme Hersant, professe du premier monastère de Paris. Comme cette sage supérieure était une âme toute séraphique en l'amour de Dieu et très éclairée pour la conduite des âmes, elle connut dès les commencements que Marguerite à la Coque était une fille de choix. Le même jugement en fut porté par la maîtresse des novices, sœur Anne-Françoise Touvent, qui avait été la première admise au monastère de Paray lors de sa fondation. Ces deux grandes religieuses comprirent aisément que la nouvelle postulante avait déjà reçu du Seigneur lui-même des leçons plus hautes que toutes celles qui se pouvaient donner à des novices ordinaires. Ainsi, lorsque dans son ardeur d'apprendre à faire l'horizon, science qu'elle croyait ignorer, sœur Marguerite vint supplier sa maîtresse de la lui enseigner, la sœur Touvent se contenta-t-elle de lui répondre « Allez vous mettre devant notre Seigneur, comme une toile d'attente devant un peintre. » Sœur Marguerite obéit, et le Sauveur lui donna en même temps la double intelligence de cette parole et du mystère qu'elle signifiait, lui révélant que son âme était cette toile sur laquelle il voulait peindre tous les traits de sa vie souffrante. L'artiste divin se hâta de se mettre à l'œuvre. Il tarda cependant trop encore au gré des brûlants désirs de cette toile vivante et aimante qui cherchait en vain la croix et se plaignait de ne trouver que sainte et pure jouissance au service de son Dieu. Ce n'était là qu'un stratagème du divin amour, car ce délai ne devait pas frustrer notre sainte d'une seule goutte de la sève amère, mais sanctifiante qui découle de l'arbre de la croix. Si nous voulons avoir une idée des opérations secrètes de la grâce dans l'âme de cette prédestinée, dès ses premiers jours de vie religieuse, elle-même va nous le dire, sans se douter de la surhumaine beauté de son langage. Il me dépouilla de tout en ce moment, et, après avoir vidé mon cœur et mis mon âme toute nue, il y alluma un si grand désir de l'aimer et de souffrir, qu'il ne me donnait point de repos, me poursuivant de si près, que je n'avais de loisir que pour penser, comme c'est que je le pourrais aimer en me crucifiant. L'humble postulante eut le bonheur de revêtir le saint habit, 2 mois environ après son entrée au monastère, c'est-à-dire le mardi 25 août 1671, en la fête de Saint-Louis, roi de France. Le nom de Marie, qu'elle avait déjà prise à sa confirmation, fut simplement ajouté à son nom de Marguerite. Désormais, nous l'appellerons sœur Marguerite Marie. Ce jour-là, notre Seigneur lui fit comprendre que c'était le temps de leur divine fiançaille et qu'il la comblerait de faveurs durant tout le temps de son noviciat. Cette parole se vérifia si bien, et la novice fut parfois tellement inondée de consolations et de grâces extraordinaires qu'elle habitait réellement d'autres régions que celles de la terre, ce qui la jetait dans une singulière confusion. Comme on la remarquait toujours perdue en Dieu, les supérieurs voulurent s'assurer de l'esprit qui la conduisait. Pour cela, on la rattirait à tout propos des exercices spirituels, l'envoyant balayer au lieu de faire oraison, et semant sous ses pas mille et mille occasions de sacrifice et de renoncement. Sœur Marguerite Marie, qui trouvait son ciel dans la volonté de Dieu, était contente de tout et jouissait tout aussi bien de son Jésus, en agissant pour lui qu'en s'abîmant en lui par la contemplation. Aussi s'en allait-elle, paisible et sereine, à ses petites occupations, chantant ce naïf couplet qu'elle avait composé. Plus l'on contredit mon amour, plus cet unique bien m'enflamme. Que l'on m'afflige nuit et jour, on ne peut l'ôter à mon âme. Plus je souffrirai de douleur, plus il m'unira à son cœur. Elle faisait ordinairement son oraison sur ces paroles. Il me suffit que je sois comme vous le voulez, ô mon bien-aimé, en votre présence. D'autres fois, elle disait, ô qu'il est beau, le bien-aimé de mon âme, pourquoi ne le peux-je pas aimer parfaitement ? Question qui aurait pu faire sourire les anges, puisque cette âme luttait d'amour avec eux. Déjà, nous savons un peu comment se passaient les journées de la sainte novice. Nous allons apprendre comment se passaient ses nuits. Il n'y avait point de temps qui me fût plus agréable que celui de la nuit, comme étant plus propre à m'entretenir avec mon bien-aimé. Je priais quelquefois mon bon ange qu'il m'éveillât. Je sentais mon cœur tout rempli de Dieu, dont l'entretien m'était si doux, que souvent j'y passais des 3 heures, sans autre mouvement ni sentiment que d'amour, sans qu'il fût à mon pouvoir de me rendormir. Je ne pouvais plus tenir sur le côté gauche, ni pouvant respirer. Une fois, me voulant tourner pour me soulager une épaule qui me faisait mal, il me dit ces paroles, que lorsqu'il portait sa croix, il ne la changeait pas de côté pour se soulager. Marguerite Marie s'en souvint toujours. Une seule chose la tourmentait. Je me sentais une faim insatiable des humiliations et mortifications, dit-elle, bien que mon naturel sensible les ressentît vivement. Mon divin maître me pressait sans cesse d'en demander ce qui m'en procurait de bonne, car, quoi qu'on m'en refusât celles que je demandais, comme indigne de les faire, on m'en donnait d'autres que je n'attendais pas, et si opposées à mes inclinations que j'étais obligée de dire à mon bon maître, dans l'effort de la violence qu'il me fallait faire, « Hélas, venez à mon secours puisque vous en êtes la cause », ce qu'il faisait en me disant, « Reconnais donc que tu ne peux rien sans moi, qui ne te laisserai point manquer de secours, pourvu que tu tiennes toujours ton néant et ta faiblesse abîmée dans ma force. » Un acte de générosité accompli par sœur Marguerite Marie dans une rencontre très coûteuse à la nature lui valut un redoublement de libéralité dans les faveurs de son doux Seigneur. Le fait est bien simple, si simple même qu'il surprend dans une telle vie, mais il montre du moins quel prix Dieu attache aux petites choses faites avec un grand amour. Marguerite avait eu de tout temps une aversion mortelle pour toutes sortes de fromages. Elle tenait cela de famille. Aussi son frère Chrysostome s'était-il cru obligé, en présentant sa sœur au monastère, de prier qu'on ne la contraignît point sur cet article, ce qui avait été facilement accordé, l'affaire n'ayant de soi-même aucune importance. Mais un jour que par mégarde la serveuse au réfectoire présenta du fromage à sœur Marguerite Marie, la directrice crut l'occasion bonne de mesurer le courage de sa disciple. Elle l'obligea donc à faire ce sacrifice pour notre Seigneur et à prendre du fromage. Au premier abord, la répulsion naturelle l'emporta sur tout autre sentiment. Ce qu'en voyant, la maîtresse ne permit pas à la pauvre sœur d'aller plus loin et d'accomplir l'obéissance, lui disant « Allez, vous n'êtes pas digne de la pratiquer. Je vous défends maintenant de faire ce que je vous commandais. » La grâce parla plus haut, mais la novice fut 3 jours à lutter entre le vouloir et le non-vouloir de se vaincre. Ne sachant que devenir, elle alla exposer son angoisse à notre Seigneur au Saint-Sacrement, s'écria « Hélas, mon Dieu, m'avez-vous abandonné? Et quoi, faut-il qu'il y ait encore quelques réserves dans mon sacrifice et qu'il ne soit pas tout consommé en parfait holocauste ?» Le Dieu de toute bonté écouta la plainte de son enfant affligé, lui donnant pour arme ses seules paroles « Il ne faut point de réserve à l'amour. » Il lui donna du même coup la force de se surmonter. Bien qu'avec des efforts indicibles, elle continue à prendre du fromage, chaque fois qu'on en servait à la communauté, et cela durant 8 années, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on se fût obligé de le lui défendre, ajoutent les contemporaines. Notre Seigneur fut si content de la victoire remportée par sa docile servante qu'il le lui fit sentir, au point de l'obliger à répéter souvent « Suspendez, ô mon Dieu, ce torrent qui m'abîme, ou étendez ma capacité pour le recevoir. » Il fait bon admirer la générosité des saints. On aime aussi à les voir aux prises avec nos faiblesses humaines. Sœur Marguerite Marie eut ses heures de défaillance pendant son noviciat. Afin de la déprendre d'une affection trop naturelle pour une de ses compagnes, il fallut que l'ami divin se montrât sévère, lui disant qu'il ne voulait point de cœur partagé, que si elle ne se retirait des créatures, il se retirerait d'elle. Ce reproche fut décisif, mais en cette circonstance, celui qui se nomme un Dieu jaloux avait dû attendre quelques mois avant de triompher des résistances de cette nature aimante. Dans une autre occasion, elle sentit la révolte de la partie inférieure. Se vaincre lui semblait au-dessus de ses forces. Le Sauveur lui fit alors voir son corps sacré, couvert des plaies qu'il avait souffertes pour son amour, lui reprochant son ingratitude et sa lâcheté à se dominer pour l'amour de lui. Que voulez-vous donc, mon Dieu, que je fasse? Puisque ma volonté est plus forte que moi. » Il lui dit que si elle la mettait dans la plaie de son sacré côté, elle n'aurait plus de peine à se surmonter. Ô mon sauveur, s'écria-t-elle, mettez-lui ici avant et l'y fermez si bien que jamais elle n'en sorte. Dès ce moment, tout lui parut si facile qu'il n'eut plus de peine à se vaincre. Néanmoins, dans un autre ordre d'idées, notre Seigneur devait encore rencontrer des résistances en cette âme d'élite. Serait-ce pendant son noviciat qu'il lui dit « Je cherche une victime pour mon cœur, laquelle serait sacrifiée comme une hostie d'immolation à l'accomplissement de mes desseins. » C'est très probable, mais ce qui est incontestable, c'est que, le jour où le divin maître lui fit cette confidence, Sœur Marguerite Marie se récusa de toutes ses forces, ne pouvant comprendre comment la sainteté infinie de Dieu jetait les yeux sur elle pour un tel office de propitiation. D'autres âmes étaient bien plus propres à le remplir que la sienne, pensait-elle sincèrement. Mais notre Seigneur insiste et sa voix prend le ton du commandement. Je n'en veux point d'autre que toi, et je veux que tu consentes à mon désir. Elle allègue qu'elle dépend de l'obéissance. Vain prétexte devant celui qui tient les cœurs des hommes en sa main. Il inspire à la supérieure d'approuver ce qu'il demande de sa servante. Désormais, celle-ci ne pourra plus se soustraire aux divines exigences. Le temps de son noviciat touchant à son terme, elle se vit en butte à de nouvelles attaques. On ne pouvait nier sa vertu qui éclipsait sans contredit celle de toutes ses compagnes. Mais les voies extraordinaires par lesquelles cette jeune sœur marchait ne laissait pas de donner des inquiétudes et de tenir les esprits en suspens à son sujet. À la visitation où les saints fondateurs ne voulaient rien d'éclatant, ne serait-ce pas imprudent d'y admettre une personne telle que celle-ci ne ressemblant à aucune autre? N'y avait-il pas de l'illusion dans ses communications intimes et constantes avec notre Seigneur? La communauté se le demandait et jugea qu'au moins un retard était nécessaire dans la réception définitive de la sœur à la coque. Sa profession fut donc ajournée. La novice en souffrit plus qu'il ne se peut dire. Comme ce n'était pas en son pouvoir d'arrêter le cours des choses surnaturelles qui se passaient en son âme, toute désolée, elle disait à notre Seigneur, « Hélas, mon Seigneur, vous serez donc la cause que l'on me renverra ?» Sur quoi il lui donna cette réponse. « Dis à ta supérieure qu'il n'y a rien à craindre pour te recevoir, que je réponds pour toi, et que, si elle me trouve solvable, je serai ta caution. » Cette divine parole demeure à jamais le plus irrécusable témoignage de l'appel certain de Marguerite Marie à la visitation. Quand un artiste a devant lui une perle précieuse entre toutes, il médite longtemps comment il l'enchâssera. Et c'est un des secrets de son génie de combiner un enchâssement d'autant plus sobre d'ornement que la perle est plus belle en elle-même. De toute éternité, le cœur de Jésus avait choisi l'institut fondé par saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal pour y enchâsser sa Marguerite. Parce que là, tout devant être simple, humble, caché, l'incomparable éclat de cette perle du ciel ne ferait que resplendir davantage aux yeux de toute l'Église. Non seulement Marguerite Marie est appelée à la visitation, et rien ne changera à cette élection divine, mais le souverain Seigneur va prendre soin d'avertir notre sainte qu'il veut qu'elle préfère sa règle à tout le reste, et que lui-même y ajustera ses grâces. Elle devra vivre de l'esprit de sa règle avant tout, les faveurs de son divin époux, y enfonceront toujours plus au lieu d'en le retirer jamais. En cette année 1672, c'était la mère Marie-Françoise de Saumaise, professe du monastère de Dijon, qui venait de prendre le gouvernement de la communauté de Paray. C'est donc à cette nouvelle supérieure que sœur Marguerite Marie alla rapporter les paroles du Sauveur. La mère de Saumaise, personne de grand jugement et de haute sainteté, exigea une preuve et, pour marque de sûreté, elle lui ordonna de demander à notre Seigneur de la rendre utile à la sainte religion par la pratique exacte de toutes les observances monastiques. Toujours plein d'une divine condescendance, le maître répondit à la novice, « Eh bien, ma fille, je t'accorde tout cela, car je te rendrai plus utile à la religion qu'elle ne pense, mais d'une manière qui n'est encore connue que de moi. Et désormais, j'ajusterai mes grâces à l'esprit de ta règle, à la volonté de tes supérieurs et à ta faiblesse. » En sorte que tu tiennes suspect tout ce qui te retirera de l'exacte pratique de la règle, laquelle je veux que tu préfères à tout le reste. De plus, je suis content que tu préfères la volonté de tes supérieurs à la mienne, lors qu'elles te défendront de faire ce que je t'aurai ordonné. Laisse-les faire tout ce qu'elles voudront de toi. Je saurais bien trouver le moyen de faire réussir mes desseins, même par des moyens qui y semblent opposés et contraires. Et je ne me réserve que la conduite de ton intérieur, et particulièrement de ton cœur, dans lequel, ayant établi l'empire de mon pur amour, je ne le céderai jamais à d'autres. La La mère de Sommès ne s'était sans doute pas attendue à une réponse si précise ni si explicite. Quoi qu'il en soit, elle en demeura contente. D'ailleurs, pendant les 6 années qu'elle continua à être la supérieure de sœur Marguerite Marie, elle put toucher du doigt, pour ainsi dire, la vérité des prédictions que notre Seigneur avait faites à sa chère fille et que celle-ci lui avait transmises avec une si entière simplicité au jour de son noviciat. La supérieure et la maîtresse ne doutant plus de la vocation de leur novice, la communauté ne tarda pas à partager le même sentiment. Cette courte phrase des contemporaines est éloquente. Elle fut reçue par toutes les voix de la communauté pour la sainte profession. La cérémonie fut fixée au dimanche 6 novembre 1672. Selon la coutume de l'ordre, ce grand acte doit être précédé d'une retraite ou solitude de 10 jours. Sœur Marguerite Marie fit la sienne sous la conduite directe de l'Esprit-Saint. Les preuves en sont là. Possédant en elle-même celui qu'elle aimait plus qu'elle-même, peu lui importait d'être occupée à telle ou telle chose, puisque rien ne la détournait de lui. Un détail est demeuré célèbre. Il y avait dans l'enclos du monastère une ânesse et un ânon. La maîtresse avait recommandé aux novices de prendre garde à ce qu'ils ne fissent point de dégâts dans le jardin potager. Sœur Alacoque prit l'obéissance pour elle personnellement et ne s'en crut pas dispensée quand vint sa retraite de profession. Le long de la journée, en dehors des exercices du cœur, on retrouvait la douce enfant à ce poste d'humilité, rendu très pénible par l'ordre reçu de ne pas attacher les animaux. Et il ne faisait que courir, écrit-elle innocemment. Je n'avais point de repos jusqu'aux angélus du soir que je venais souper. Pendant une partie des matines, elle devait retourner à l'étable, faire manger l'ânesse et son petit ânon. Je me trouvais si contente dans cette occupation que je ne me serais point souciée quand elle aurait duré toute ma vie. On ne l'y laissa pas toute sa vie, mais quelque temps seulement, charmée que l'on était de voir jusqu'où irait sa vertu. Or, un jour, tandis que pour empêcher les animaux de s'enfuir, sœur Marguerite Marie allait interrompre l'entretien qu'elle avait avec notre Seigneur, il lui dit « Laisse-les faire, ils ne feront point de mal. » Cette vraie obéissance crut à la parole de son Dieu, si bien que, malgré les recherches les plus minutieuses, les sœurs qui avaient aperçu les deux bêtes courant dans le potager n'y purent trouver aucune trace de leur passage. La tradition constante de la visitation de Paray est que c'est sous un petit bosquet de noisetiers qui se voit encore florissant dans le jardin du monastère que le divin maître daignait apparaître à l'heureuse novice et lui tenir fidèle compagnie pour la dédommager surabondamment des fatigues qu'elle prenait à veiller sur l'ânesse et l'ânon. Montrant un jour ce bosquet à une sœur, elle lui dit « Voilà un endroit de grâce pour moi, car Dieu m'a fait connaître ici l'avantage qu'il y a à souffrir, par les connaissances et lumières qu'il m'a données de sa passion. » Ces lumières et ces connaissances, que ne nous les a-t-elle révélées? Mais elle se contente de dire « C'est un abîme à écrire et la longueur m'y fait tout supprimer. » L'examen attentif de certaines circonstances autorise à placer pendant cette retraite de profession une grâce que sœur Marguerite Marie reçut un jour de Toussaint. Il lui fut dit intelligemment « Rien de souillé dans l'innocence. » Rien ne se perd dans la puissance, rien ne passe en ce beau séjour, tout s'y consomme dans l'amour. C'est-à-dire son âme devait être pure de toute tâche, elle devait tout abandonner à celui qui est la puissance même. Au ciel, rien ne passe, tout y est éternel et s'y consomme dans l'amour. Et sur l'heure, un petit échantillon de cette gloire lui fut montré, comme j'étais en retraite, écrit-elle. Je passais tout le jour dans ces plaisirs inexplicables, desquels il me semblait qu'il n'y avait plus rien à faire que d'aller promptement jouir. Mais ces paroles qui me furent dites me firent bien connaître que j'étais bien loin de mon compte. Les voici. C'est en vain que ton cœur soupire. Pour y entrer comme tu crois, il ne faut pas qu'on y aspire que par le chemin de la croix. Notre Seigneur lui mit alors devant les yeux tout ce qu'elle aurait à souffrir pendant tout le cours de sa vie. Pour exprimer ce qu'elle en éprouva, la sainte n'a qu'un mot, mais il est énergique. Tout mon corps en frémit. Devant se préparer à sa confession, elle était dans une grande anxiété pour trouver ses péchés. Son divin maître la rassura. « Pourquoi te tourmentes-tu? Fais ce qui est en ton pouvoir. Je supplierai à ce qui manquera au reste. Car je ne demande rien tant dans ce sacrement qu'un cœur contrit et humilié. » Pleine de contrition et d'humilité, elle fit donc sa confession. Ici, sœur Marguerite Marie a une comparaison vivante pour rendre ce qui alors se passa en son âme sous l'application du sang rédempteur. Il me semblait me voir et sentir dépouillée et revêtue en même temps d'une robe blanche avec ces paroles. Voici la robe d'innocence dont je revêt ton âme, afin que tu ne vives plus que de la vie d'un homme Dieu, c'est-à-dire que tu vives comme ne vivant plus, mais me laisser vivre dans toi, car je suis ta vie, et tu ne vivras plus qu'en moi et par moi. Cette robe d'innocence que le Seigneur en était jaloux pour sa bien-aimée, dans un autre récit, elle rapporte plus au long les paroles de son souverain. Moi, ton époux, ton Dieu et ton amour, ma bien-aimée, je suis venu pour revêtir ton âme de la robe d'innocence, afin que tu ne vives que de la vie d'un homme Dieu. Et pour cela, je simplifierai et purifierai toutes tes puissances, afin qu'elles ne reçoivent plus aucune impression étrangère. Et c'est en présence de la Sainte Trinité et de ma Sainte Mère que je te fais cette grâce, laquelle, si tu viens une fois à perdre, tu ne la recouvriras jamais, et tu te précipiteras dans un abîme si profond à cause de la hauteur du lieu où je t'ai logé, qui est la plaie de mon cœur, que tu ne pourras jamais te relever de cette chute. Le jour des trépassés de novembre 1672, étant devant le Saint-Sacrement pour lui faire amende honorable de l'abus qu'elle avait fait de ses grâces, elle s'immola de nouveau à la divine volonté et pria notre Seigneur de recevoir le sacrifice de l'Holocauste qu'elle désirait lui faire et de l'unir au sien. Son divin maître lui répondit : « Souviens-toi que c'est un Dieu crucifié que tu veux épouser. C'est pourquoi il te faut rendre conforme à lui, disant adieu à tous les plaisirs de la vie, puisqu'il n'y en aura plus pour toi qu'il ne soit traversé de la croix. » Pendant cette mémorable retraite, sœur Marguerite Marie se traça un plan de perfection, ou plutôt l'Esprit Saint le lui traça de main de maître. « Voici mes résolutions qui doivent durer jusqu'à la fin de ma vie, puisque mon bien-aimé les a dictées lui-même. » Après l'avoir reçu dans mon cœur, il me dit « Voici la plaie de mon côté pour y faire ta demeure actuelle et perpétuelle. C'est où tu pourras conserver la robe d'innocence dont j'ai revêtu ton âme, afin que tu vives désormais de la vie d'un homme Dieu. Vivre comme ne vivant plus, afin que je vive parfaitement en toi, ne pensant à ton corps et à tout ce qui t'arrivera, comme s'il n'était plus, agissant comme n'agissant plus, mais moi seul en toi. Il faut pour cela que tes puissances et tes sens demeurent ensevelis dans moi, et que tu sois sourde, muette, aveugle et insensible à toutes les choses terrestres. Vouloir comme ne voulant plus, sans jugement, sans désir, sans affection et sans volonté que celle de mon bon plaisir, qui doit faire toutes tes délices, ne cherchant rien hors de moi. Et si tu ne veux faire injure à ma puissance et m'offenser grièvement, puisque je te veux être toute chose. Sois toujours disposé à me recevoir, je serai toujours prêt à me donner à toi, parce que tu seras souvent livré à la fureur de tes ennemis. Mais ne crains rien, je t'environnerai de ma puissance et serai le prix de tes victoires. Prends garde de ne jamais ouvrir les yeux pour te regarder hors de moi, et qu'aimer et souffrir à l'aveugle soit ta devise, un seul cœur, un seul amour, un seul Dieu. » Ce qui suit était écrit de son sang, moi chétive et misérable néant, proteste à mon Dieu, me soumettre et sacrifier à tout ce qu'il désire de moi, immolant mon cœur à l'accomplissement de son bon plaisir, sans réserve d'autre intérêt que sa plus grande gloire et son pur amour, auquel je consacre et abandonne tout mon être et tous mes moments. Je suis pour jamais à mon bien-aimé, son esclave, sa servante et sa créature, puisqu'il est tout à moi, et suis son indigne épouse, sœur Marguerite Marie, morte au monde. Tout de Dieu et rien de moi, tout à Dieu et rien à moi, tout pour Dieu et rien pour moi. » Le 6 novembre 1672, elle s'étendit sous le drap mortuaire, selon le cérémonial de l'ordre, après avoir prononcé les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, triple et bienheureuse chaîne qui l'unissait pour jamais au Dieu de son cœur et au cœur de son Dieu. Le célébrant venait de lui dire : « Ma sœur, vous êtes morte au monde et à vous-même pour ne vivre plus qu'à Dieu. » Quel écho ces paroles trouvèrent-elles en son âme ? Nous allons l'entendre. Étant donc enfin parvenue au bien tant désiré de la sainte profession, c'est en ce jour que mon divin maître voulut bien me recevoir pour son épouse, mais d'une manière que je me sens impuissante d'exprimer. Mais seulement je dirais qu'il me paraît et traitée comme une épouse du Tabor, ce qui m'était plus dur que la mort, ne me voyant point de conformité avec mon époux, que j'envisageais tout défiguré et déchiré sur le calvaire. Mais il me fut dit, laisse-moi faire chaque chose en son temps, car je veux que tu sois maintenant le jouet de mon amour, qui se veut jouer de toi selon son bon plaisir, comme les enfants font de leur poupée. Et il faut que tu sois ainsi abandonné, sans vue ni résistance, me laissant contenter à tes dépens. Mais tu n'y perdras rien. Il me promit de ne plus me quitter en me disant, sois toujours prête et disposée à me recevoir, car je veux désormais faire ma demeure en toi, pour converser, m'entretenir avec toi. Là ne se bornèrent pas les faveurs divines. Notre Seigneur mit alors le sceau à toutes celles qu'il avait déjà faites à sa servante, et voici comment. Immédiatement après le texte que nous venons de citer, elle ajoute, et dès lors il me gratifia de sa divine présence, mais d'une manière que je n'avais encore point expérimentée, car jamais je n'avais reçu une si grande grâce, pour les effets qu'elle a opérés toujours en moi depuis. Je le voyais, le sentais proche de moi, et l'entendais beaucoup mieux que si ce fût été des sens corporels, par lesquels j'aurais pu me distraire, pour m'en détourner. Je ne pouvais mettre d'empêchement à cela, n'ayant rien de ma participation. Cela imprima en moi un si profond anéantissement que je me sentis d'abord comme tombé anéanti dans l'abîme de mon néant, dont je n'ai pu sortir depuis, par respect hommage à cette grandeur infinie, devant laquelle j'aurais toujours voulu être, la face prosternée contre terre ou à genoux. Ce que j'ai fait depuis, autant que les ouvrages et ma faiblesse l'ont pu permettre. Ailleurs, revenant sur cette grâce immense que lui fit notre Seigneur, la Sainte écrit ces mots. Il me dit que je ne devais rien craindre, parce qu'il me promettait une des plus grandes grâces qu'il eût jamais faites à aucun de ses amis, qui était de me gratifier de sa présence actuelle et continuelle. Puis notre Seigneur l'avertit comment il la punira de ses fautes. Lorsque tu feras des fautes, je les purifierai par les souffrances, si tu ne le fais pas par la pénitence. Et je ne te priverai point de ma présence pour cela, mais je te la rendrai si douloureuse qu'elle tiendra lieu de tout autre supplice. Et dans ce moment, il effectua si bien sa promesse qu'il m'était toujours présent, et je le sentais toujours proche de moi, comme si l'on était proche de quelqu'un que les ténèbres de la nuit empêcheraient de voir des yeux du corps. Mais la vue perçante de l'amour me le fit voir et sentir, d'une manière bien plus aimable et certaine, et de différentes manières. Je ne me souciais plus ni du temps ni du lieu, depuis que mon souverain m'accompagnait partout, lisons-nous dans l'autobiographie. Je me trouvais indifférente à toutes les dispositions que l'on peut faire de moi, étant bien sûre que, s'étant ainsi donné à moi sans aucun bien mérite de ma part, mais par sa pure bonté, et que par conséquent, on ne me le pourrait pas ôter, cela me rendait contente partout. Après sa profession, sœur Marguerite Marie passa successivement dans les divers emplois du ministère. Partout, elle s'y soutint, avec sa ferveur ordinaire, disent les contemporaines. Mais partout aussi, elle recueillit la mire des souffrances et des humiliations. Jamais cependant, elle ne se sentait rassasiée de ce côté-là. Nommée d'abord aide à l'infirmerie, elle confesse ingénument que Dieu seul peut connaître ce qu'elle y eut à souffrir, tant de la part de mon naturel prompt et sensible, écrit-elle, que de celle des créatures et du démon, lequel me faisait souvent tomber et rompre tout ce que je tenais entre les mains, et puis se moquait de moi, me riant quelquefois au nez. « Oh, la lourde, tu ne feras jamais rien qui vaille !» Ce qui jetait mon esprit dans une tristesse et abattement si grand que je ne savais que faire, car souvent il m'ôtait le pouvoir de le dire à notre mère, parce que l'obéissance abattait et dissipait toutes ses forces. La sœur infirmière était alors sœur Catherine Augustine Marais. En la plaçant d'office à côté de la sœur à la coque, la Providence ne pouvait rapprocher deux personnes dont le caractère fut plus diamétralement opposé. Notre sainte eut donc beaucoup à souffrir à l'infirmerie. Est-ce à dire qu'elle n'y fait rien souffrir elle-même? Il faudrait être dépourvu de sens pratique pour le penser. Si nous nous mettons impartialement à la place de la sœur Marais, prenant soin de noter que c'était une nature exceptionnellement virile et décidée, nous devrons reconnaître que, pour une officière de cette trempe, n'être secondée que d'intention et de bonne volonté de la part de son aide, sans l'être presque jamais d'effet ni d'opération, c'était plutôt être exercée que secourue. Et dans le cas présent, il n'y avait remède. Car une âme que Dieu emplit toujours et absorbe tellement qu'elle vit plus là où elle aime que là où elle l'anime, cette âme-là sera toujours hors de son élément, dans le contact quotidien avec les choses extérieures. Telle était celle de la jeune prophesse. Et, ce qui aiguisait sa souffrance, elle se rendait parfaitement compte de tout cela, ressentant au double les heurts dont elle était cause, bien qu'elle ne pût rien y changer. Mais puisque, quand il s'agit de sanctifier ses élus, Dieu bouleverserait plutôt le monde que de laisser cette sanctification en arrière, rien ne doit nous étonner dans le plan qu'il adoptera toujours pour faire arriver Marguerite Marie où il la veut. Grande ligne, détail, tout est divinement coordonné, afin que l'esprit, le corps et le cœur de sa bien-aimée soient toujours en état de sacrifice. Dès maintenant, il est bon de nous rappeler le témoignage que rendra dans la suite la mère greffier, plus à même que tout autre peut-être, de se prononcer en cette matière et de nous faire le portrait moral de la servante de Dieu. Cette grande supérieure dira donc, elle était naturellement judicieuse et sage, et avait l'esprit bon, l'humeur agréable, le cœur charitable possible. En un mot, l'on peut dire que c'était un sujet des mieux conditionnés pour bien réussir à tout. Si le Seigneur ne l'eût exaucé en sa demande d'être inconnu et caché dans l'abjection et la souffrance. De son côté, le Père Croisé écrira un jour, Dieu lui avait donné beaucoup d'esprit, un jugement solide, fin et pénétrant, une âme noble, un grand cœur. Ainsi, c'est un fait bien constaté, la sœur à la coque n'était pas une personne à l'esprit étroit et borné, d'une humeur chagrine et mélancolique, comme quelques-uns se la représentent. C'était une fille de jugement, une religieuse aimable, mais une permission spéciale de Dieu sur elle voulait que toutes ses heureuses qualités disparussent ordinairement sous le voile de l'humiliation. En revanche, les communications entre Jésus-Christ et cette âme sont incessantes, mais il faut avouer qu'elles se passent sur un terrain bien différent de celui où nous vivons habituellement. Un jour, après la Sainte Communion, notre Seigneur daigna demander à Sœur Marguerite Marie de lui réitérer le sacrifice qu'elle lui avait déjà fait de sa liberté et de tout son être. Ce que je fis de tout mon cœur, pourvu, lui dis-je, au mon souverain maître, que vous ne fassiez jamais rien paraître en moi d'extraordinaire. Ce qui me pourra le plus causer d'humiliation et d'abjection devant les créatures et me détruire dans leur estime. Car hélas, mon Dieu, je sens ma faiblesse, je crains de vous trahir et que vos dons ne soient pas en sûreté dans moi. Ne crains rien, ma fille, me dit-il, j'y mettrai bon ordre, car je me rendrai le gardien moi-même et te rendrai impuissante à me résister. Et quoi, mon Dieu, me laisserez-vous toujours vivre sans souffrir? Alors notre Seigneur lui montra une grande croix, toute couverte de fleurs, l'assurant que ses fleurs tomberaient peu à peu et qu'il ne lui resterait que les épines. Ce lui fut une annonce qui ravit son âme au lieu de l'effrayer. Qu'on ne croit pas que parmi tant de faveurs célestes, Sœur Marguerite Marie négligea la pratique des plus humbles et basses vertus, véritable et solide fondement de son ordre. En janvier 1673, Saint François de Sales se plut à lui donner de nouvelles lumières à ce sujet. Il lui montra que les vertus qu'il avait toujours le plus souhaitées à ses filles était celle qu'il avait lui-même tenue continuellement unie à Dieu, c'est-à-dire la charité envers Dieu et le prochain, et la plus profonde humilité. À cette toute jeune prophesse, déjà le saint fondateur confie un douloureux secret. Il se plaint qu'on ait déchu de ce double esprit qui s'était forcé d'implanter dans sa génération spirituelle, et il enseigne comment on pourra l'y remettre en vigueur. Il reconnaît donc bien Sœur Marguerite Marie, pauvre fille de la Visitation. Qui sait si le Dieu des miséricordes n'avait pas déjà dévoilé au regard du grand évêque qu'en un avenir prochain, le cœur de Jésus se donnerait à ce cher institut de la Visitation, et que ce serait par le moyen de cet humble enfant qui, depuis 3 mois à peine, avait prononcé les 3 vœux de religion. La mère de Sommez, voyant que sa chère fille continuait à recevoir de telles grâces extraordinaires, lui ordonna d'écrire ce qui se passait dans son intérieur. La sœur y eut tout d'abord une extrême répugnance. Notre Seigneur l'en reprit, lui disant, « Pourquoi refuses-tu d'obéir à ma voix et d'écrire ce qui vient de moi et non de toi, qu'il n'y a aucune part qu'une simple adhérence? Considère ce que tu es et ce que tu mérites, et tu pourras connaître d'où vient le bien que tu possèdes. Pourquoi crains-tu, puisque je t'ai donné pour asile le lieu où tout est rendu facile ?» Elle obéit donc, c'est grâce aux pages qu'elle écrivit alors, que nous pouvons plus sûrement la suivre dans les premières années de sa vie religieuse. Malheureusement, ce mémoire n'existe plus dans le manuscrit autographe. Il n'en reste que d'anciennes copies qui ne sont pas irréprochables, mais elles ont pourtant leur valeur. Détachons-en quelques passages. Ils nous seront une nouvelle révélation de ce qui occupe l'âme des saints. Une veille de communion, je demandais à mon Jésus d'unir mon cœur au sien, puisque c'était là toute ma prétention. Et, me disant, comme se pourrait-il faire d'unir le néant au tout, je sais que cela ne se peut que par votre amour. Et, me faisant voir par la suprême pointe de l'entendement, ce beau cœur plus éclatant qu'un soleil et d'une infinie grandeur, et un petit point qui ne semblait qu'un atome et qui était tout noir et défiguré, mais qui faisait tous ses efforts pour s'approcher de cette belle lumière, mais c'était en vain. Si ce cœur amoureux ne l'eût attiré lui-même en disant « Abîme-toi dans ma grandeur et prends garde de n'en jamais sortir, parce que si tu en sors, tu n'y rentreras plus. » Et je trouve mon cœur tellement lié à l'oraison que je suis quelquefois comme si je n'en avais plus de jouissance, et dans une paix si grande que je n'ai d'autre inquiétude que de ne pas aimer mon Dieu, et que je n'emploie pas bien mon temps en l'exercice de son saint amour. En m'imaginant quelquefois que c'était le démon qui me tenait ainsi, je disais à Dieu, « Faites-moi connaître les ruses du démon afin que je les évite. » Mais mon bien-aimé m'a fait entendre que le démon ne pouvait connaître l'intérieur, que lorsque l'on en donnait quelques signes extérieurs, et qu'il ne pouvait donner la paix à un cœur. Sœur Marguerite Marie était sujette à des extinctions de voix qui l'empêchaient de chanter l'office, ce qui lui était fort sensible. La veille de la visitation, 1er juillet 1673, il y avait déjà longtemps qu'elle subissait cette privation qu'elle regardait comme un châtiment. Ayant fait de vains efforts pour essayer de suivre le cœur au début des matines, et ne pouvant y réussir, elle s'anéantit dans le sentiment de l'adoration. Tout à coup, pendant le Tedum, tandis qu'elle tenait ses bras modestement croisés dans ses manches, une divine lumière vint s'y reposer sous la figure d'un petit enfant éclatant comme un soleil. Transportée d'un tel spectacle, elle dit dans un profond silence, « Mon Seigneur et mon Dieu, par quel excès d'amour abaissez-vous ainsi votre grandeur infinie? Je viens, ma fille, te demander pourquoi tu me dis si souvent de ne point approcher de toi. Vous le savez, ô mon souverain, que c'est que je ne suis pas digne de m'approcher de vous, et bien moins de vous toucher. Apprends que plus tu te retires dans ton néant, plus ma grandeur s'abaisse pour te trouver. » Craignant que ce ne fût un ange de Satan, l'humble Marguerite s'écria, « Si c'est vous, ô mon Dieu, faites donc que je chante vos louanges. » À l'heure même, la voix lui revint, plus libre et plus forte que jamais. L'heureuse privilégiée poursuivit le chant du Te Deum avec le cœur, et le reste des matines se passa ainsi, sans que toutes les caresses que lui prodiguait alors le divin enfant la détournassent un instant de l'attention respectueuse qu'elle devait au divin office. Notre Seigneur l'en bénit, disant, « J'ai voulu éprouver le motif dont tu récites mes louanges, car si tu te fusses tenu un peu moins attentive à les dire, je me serais retirée. » Ayant gardé ma voix assez longtemps, poursuit-elle, je la perdis une seconde fois, et l'ayant demandé à notre Seigneur, il me fut répondu qu'elle n'était pas à moi, et qu'il me l'avait prêtée pour m'obliger à croire, et que je devais demeurer contente en la perdant comme en la possédant. Et j'en suis demeurée depuis, à dans l'indifférence. C'est qu'elle ne trouvait rien de plus profitable à une âme que ce parfait abandon pour toute chose. Cette maxime, elle la tenait de notre Seigneur lui-même, car elle lui avait donné à entendre que c'était à elle à se soumettre indifféremment, à tous les vouloirs de son Dieu, sans se mêler de lui donner des lois. Et il avait ajouté, « Je te ferai comprendre, dans la suite, que je suis un sage et savant directeur, qui sait conduire les âmes sans danger, lorsqu'elles s'abandonnent à moi en s'oubliant d'elles-mêmes. » Et il réprimait en celle-ci jusqu'à l'ombre d'une imperfection. Un jour de Pâques, l'emploi de notre sainte l'empêchant de faire oraison avec la communauté, cela excita en elle un petit mouvement de chagrin. La leçon divine ne se fit pas attendre. Sache, ma fille, que l'oraison de soumission et de sacrifice m'est plus agréable que la contemplation, lui dit son souverain maître. Il n'est pas possible de rapporter tous les enseignements qu'elle reçut de cette bouche adorable, non plus que d'énumérer toutes les visions dont elle fut gratifiée. Qu'il suffise de dire que de jour en jour, notre Seigneur lui faisait faire un pas de plus dans le sublime et mystérieux sentier qui devait la conduire aux grandes révélations du Sacré-Cœur. Déjà, il le lui manifestait, ce cœur divin. Et bien que ce ne fût encore que d'une manière qui dût lui rester intime et personnelle, Marguerite Marie n'en commençait pas moins à se sentir consumée du désir de publier partout l'amour du cœur de son Dieu. Un jour, une voix intérieure lui disait sans cesse qu'elle était sur le bord d'un précipice. Ne comprenant pas comment se l'expliquer à elle-même, elle confie sa peine à notre Seigneur. Unique amour de mon âme, faites-moi connaître ce qui m'inquiète. À l'oraison, notre Seigneur se présente à elle tout couvert de plaies, lui disant de regarder l'ouverture de son sacré côté, qui était un abîme sans fond, creusé par une flèche sans mesure, celle de l'amour. Si elle voulait éviter l'abîme qu'elle se plaignait de ne pouvoir connaître, il fallait se perdre dans celui-ci, car c'était la demeure de ceux qui l'aiment. L'âme y rencontre la source des eaux vives pour se purifier et recevoir en même temps la vie de la grâce que le péché lui avait ôtée. Le cœur y trouve une fournaise d'amour qui ne le laisse plus vivre que d'une vie d'amour. Un autre jour, sœur Marguerite Marie, sentant son âme plongée dans une sorte d'agonie, notre Seigneur l'honora de sa visite et lui dit « Entre, ma fille, dans ce parterre délicieux, pour ranimer ton âme languissante. » Elle comprit qu'il parlait de son sacré cœur, dont la diversité des fleurs était autant aimable que leur beauté était admirable. Mais comme elle n'osait les toucher, il l'invita par ces mots « Tu en peux cueillir à ton gré. » Alors, se jetant à ses pieds, s'écria « Ô mon divin amour, je n'en veux point d'autre que vous, qui mettez un bouquet de myrrhe que je veux porter continuellement entre les bras de mes affections. » « Tu as bien su choisir, me dit-il, car toutes les autres fleurs sont passagères et ne peuvent longtemps durer en cette vie mortelle sans se flétrir. Il n'y a que la myrrhe que tu choisis, qui puisse conserver sa beauté et son odeur et cette vie et sa saison. Il n'y en a point dans l'éternité. » Une autre fois, écrit-elle, faisant ma lecture pour contribuer à l'entretien d'après vêpres, mon bien-aimé se présenta devant moi. « Je te veux faire lire dans le livre de vie où est contenue la science d'amour. » Et me découvrant son sacré cœur, il m'y fit lire ces paroles. « Mon amour règne dans la souffrance. Il triomphe dans l'humilité et il jouit dans l'unité. Ce qui s'imprima si fort dans mon esprit que je n'en ai jamais perdu la mémoire. » Le 4 octobre, fête de Saint François d'Assise, Dieu donnait ce séraphique patriarche pour conducteur spécial à sœur Marguerite Marie, après lui avoir montré la gloire incomparable dont il jouit au ciel, et lui avoir dit que c'était un des plus grands favoris de son sacré cœur. Marqué des sacrés stigmates, amant passionné de la pauvreté, ne voulant connaître que Jésus-Christ crucifié, François avait été sur la terre une vivante image du Sauveur du monde. À cause de cela, il avait désormais un grand pouvoir au ciel pour obtenir aux âmes l'application efficace des mérites du précieux sang. Il semble que ses mains percées fussent plus dignes d'être comme le canal par lequel ce sang adorable voulait couler sur les pécheurs. François d'Assise était aussi un puissant avocat pour les ordres religieux déchus de leur première ferveur. Notre Seigneur dit à sa servante que c'était comme le gage de son divin amour qui lui donnait un tel protecteur pour la conduire dans ses peines et souffrances. Plus notre Seigneur s'incline vers elle, plus c'est pour l'initier aux inénarrables douleurs de son cœur divin. La sainte méditait un jour sur l'agonie du Sauveur au jardin des Oliviers et se sentait fort pressée du désir de participer aux angoisses du Dieu fait homme. Il l'exauça. « C'est ici où j'ai plus souffert intérieurement qu'en tout le reste de ma passion, lui dit-il, me voyant dans un délaissement général du ciel et de la terre, chargé de tous les péchés des hommes. J'ai paru devant la sainteté de Dieu qui, sans avoir égard à mon innocence, m'a froissé en sa fureur, me faisant boire le calice qui contenait tout le fiel et l'amertume de sa juste indignation, et comme s'il eût oublié le nom de Père pour me sacrifier à sa juste colère. Et il n'y a point de créature qui puisse comprendre la grandeur des tourments que je souffris alors. C'est cette même douleur que l'âme criminelle ressent lorsqu'étant présentée devant le tribunal de la sainteté divine, qui s'appesantit sur elle la froisse et l'opprime, et l'abîme en sa juste rigueur. » Continuant ses adorables confidences, notre Seigneur ajouta « Ma justice est irritée, prête de punir par des châtiments manifestes, des pécheurs cachés s'ils ne font pénitence. Et je te veux faire connaître lorsque ma justice sera prête à lancer ses coups sur ces têtes criminelles. Ce sera lorsque tu sentiras appesantir ma sainteté sur toi, qui dois élever ton cœur et tes mains au ciel, par prières et bonnes œuvres, me présentant continuellement mon Père comme une victime d'amour, immolée et offerte pour les péchés de tout le monde, me mettant comme un rempart et un fort assuré entre sa justice et les pécheurs. Alors notre Seigneur prévient Marguerite Marie qu'elle se sentira comme environnée de sa miséricorde lorsqu'il aura résolu de faire grâce à quelqu'une de ses âmes pécheresses et que, quand elle persévérerait pour le ciel, il lui sera montré quelques petits échantillons de la joie que les bienheureux en reçoivent. Pendant la première retraite ou solitude qui suivit sa profession, par conséquent, à l'automne de l'année 1673, elle sentit la main de Dieu se poser sur elle. Voici en quelle manière. Les 2 ou 3 premiers jours, cette sainteté divine s'appesantit, s'imprima si fort en moi qu'elle me rendait incapable de faire l'oraison et de supporter la douleur intérieure que je sentais. Si la même puissance qui me faisait souffrir ne m'avait soutenue, car je sentais un désespoir et douleur si grande de paraître devant mon Dieu, que j'aurais voulu 1000 fois m'abîmer, me détruire et m'anéantir, s'il avait été à mon pouvoir, tant je me sentais indigne de paraître devant cette divine présence dont je ne me pouvais retirer, d'autant qu'elle me poursuivait partout comme une criminelle qui était prête à recevoir sa condamnation, mais avec une soumission si grande au divin vouloir de mon Dieu, que je suis toujours disposée à recevoir toutes les peines, douleurs qu'il lui plaira de m'envoyer, et avec même amour et contentement que je ferai la suaveté de son amour. Souffrir de la part des créatures, c'est souvent bien amer pour une nature délicate, mais souffrir de la part du Créateur lui-même, c'est une peine d'une acuité bien autrement pénétrante. Job accusait le Seigneur de le tourmenter merveilleusement. Marguerite Marie ressentait ce tourment divin lorsqu'elle voyait s'appesantir sur elle ce qu'elle nomme les 2 saintetés de Dieu, sainteté d'amour, sainteté de justice. En portant le poids de la sainteté d'amour, la servante de Dieu devait expier pour les âmes du purgatoire. Le poids de la sainteté de justice devait surtout la faire souffrir pour les pécheurs, et particulièrement pour les âmes consacrées à Dieu, pour lesquelles lui dit un jour son époux céleste, « Je te ferai voir et sentir dans la suite ce qu'il te conviendra de souffrir pour mon amour. » Mais il faut l'entendre elle-même décrire les opérations de cet amour en elle. De tels accents ne sont pas de la terre. Une autre fois, ce souverain de mon âme me dit, « Je te veux être toute chose, ta joie et ta consolation. » Mais je serai aussi ton supplice. Je connus l'effet de ces paroles. Entre ces perfections divines, celle qui devait effectuer ses promesses, qui était sa sainteté d'amour et de justice, je confesse qu'il est difficile à une créature d'en exprimer les effets, n'ayant jamais rien senti de si douloureux que cette sainteté de justice, qui s'imprime dans l'âme d'une manière si terrible qu'elle voudrait se précipiter dans toutes les peines imaginables et s'immoler à s'ouvrir celle des damnés, plutôt que de paraître devant la sainteté de Dieu avec un seul péché. L'âme ressemble à une huile bouillante qui pénètre jusqu'à la moelle des os et rend le corps si insensible à toute autre douleur qu'elle lui semble plutôt un rafraîchissement qu'une souffrance. Ce que je trouve le plus rigoureux, c'est la présence de mon souverain lorsqu'il m'en favorise en cet état. Il donne des impressions de sa pureté qu'il est impossible à l'âme de se supporter, se voyant dans un état si abominable. Elle voudrait pouvoir fuir et se cacher, mais c'est en vain. Ce Dieu plein d'amour prend plaisir de la voir en cet état, lui fait trouver partout ce qu'elle fuit. Ce n'est pas qu'elle voulût, pour quoi que ce soit, perdre la vue de son bien-aimé, en faisant aucune action qui lui pût déplaire. Elle souffrirait 1000 morts à la vue de son indignité. Elle dit souvent avec saint Pierre, « Retirez-vous de moi, car je suis une pécheresse. » Bien loin de désirer d'être délivrée de cet état souffrant, j'aurais voulu à chaque moment voir augmenter mes peines. La sainteté d'amour ne cause guère moins de souffrance, à la réserve que toutes ces peines donnent à l'âme des mouvements de joie et de contentement si grands qu'il n'est pas moins difficile de les exprimer. Elle donne à l'âme un désir si ardent d'être unie à Dieu qu'elle n'a de repos ni jour ni nuit, car le lit à la table lui semble un gibet où elle ne va que pour se crucifier. Les conversations font son supplice, Dieu se faisant voir incessamment à l'âme et lui découvrant les trésors dont il l'enrichit, et l'ardent amour qu'il a pour elle, et le peu de correspondance qu'elle a. Son amour la presse si vivement de l'aimer, qu'il n'y a que le divin auteur de ses opérations qui puisse exprimer ce que c'est. Alors l'âme n'a plus d'intérêt ni de désir et d'empressement, que pour son unique amour. Le reste lui semble superflu ou inutile. Les avertissements divins se multipliaient. Un jour, elle croit entendre ces paroles. Le Seigneur se lasse d'attendre. Il veut entrer dans ses greniers pour cribler son froment et séparer le bon grain d'avec le chétif. Toutefois, elle ne s'arrête pas à cette pensée. Elle cherche au contraire à s'en détourner comme d'une distraction. Mais de nouveau, la sainteté de Dieu s'appesantit sur elle. Une voix toute puissante se fait entendre, disant « Mon peuple choisi me persécute secrètement et a irrité ma justice. Mais je manifesterai ses péchés secrets par des châtiments visibles. » Car je les criblerai dans les cribles de ma sainteté pour les séparer d'avec mes bien-aimés. Et lui découvrant son cœur tout déchiré et transpercé de coups, le Sauveur ajouta « Voilà les blessures que je reçois de mon peuple choisi. Les autres se contentent de frapper sur mon corps, mais ceux-ci attaquent mon cœur, qui n'a jamais cessé de les aimer. » Et une autre fois, se présentant encore à elle sous un aspect plus sanglant, son cœur sacré paraissant navré de douleur, « Voilà l'état où me réduit mon peuple choisi, que j'avais destiné pour apaiser ma justice, et ils me persécutent secrètement. S'ils ne s'amendent, je les châtierai sévèrement, je retirerai mes justes, et j'immolerai le reste à ma juste colère qui s'embrasera contre eux. » Fidèle à ce que lui avait enseigné son bien-aimé, Marguerite Marie conclut en disant « Je lui présentais son amour souffrant, dont un des regards était capable d'apaiser son courroux. Une fois, après avoir longtemps souffert sous le poids de la sainteté de Dieu, elle m'ôta la voix et les forces. J'avais tant de confusion de paraître devant les créatures que la mort m'aurait été plus douce. La Sainte Communion m'était si douloureuse qu'il me serait difficile d'exprimer la peine que je sentais en m'en approchant, bien qu'il ne me fût pas permis de m'en retirer, puisque c'était lui-même qui me faisait souffrir cet état, me défendant même de m'en éloigner. Je pouvais dire avec le prophète que mes larmes me servaient de pain nuit et jour. Le Saint-Sacrement qui était tout mon refuge me traitait avec tant d'indignation que j'y souffrais une espèce d'agonie. Et je n'y pouvais demeurer qu'en me faisant une extrême violence. Et si, hors les temps d'obligation, je m'en allais me présenter devant elle en disant « Voulez-vous que j'aille aux divines justices, puisque vous m'accompagnez partout ?» J'entrais et sortais sans savoir ce que je devais faire, et sans trouver de repos que celui de la douleur. Un jour, comme notre Seigneur lui prescrivait certaines prières et pratiques, elle lui répondit simplement « Mon Seigneur, vous savez que je ne suis point à moi, et que je ne ferai que ce que ma supérieure m'ordonnera. Je ne l'entends pas autrement, reprend-il, car, tout puissant que je suis, je ne veux rien de toi, qu'avec la dépendance de ta supérieure. » Écoute bien ces paroles de la bouche de la vérité. Tous religieux séparés et désunis de leur supérieure se doivent regarder comme des vases de réprobation, dans lesquels toutes les bonnes liqueurs sont changées en corruption, sur lesquels le divin soleil de justice, venant à darder, opère le même effet que le soleil luisant sur la boue. Ces âmes sont tellement rejetées de mon cœur que plus elles tâchent d'en approcher par le moyen des sacrements, oraisons et autres exercices, plus je m'éloigne d'elles pour l'horreur que j'en ai. La leçon était poignante, mais elle ne visait point l'âme très obéissante qui se l'appropriait pourtant si humblement, bien qu'elle n'eût besoin de la retenir que pour la répéter aux autres. En lui disant personnellement à elle-même, « J'aime l'obéissance et sans elle on ne me peut plaire », notre Seigneur savait que c'en était assez pour l'attacher irrévocablement à cette vertu des parfaits. L'âme de Marguerite Marie ne peut pas plus vivre hors de Dieu que notre être humain ne peut vivre hors de l'air qu'il respire. Son élément à elle, c'est la plénitude de Dieu. Elle est parfois sublime lorsqu'elle expose ce qu'elle ressent. Mon bien-aimé a consommé en lui tous mes désirs, ne m'en ayant laissé que celui de me rendre une pure capacité de son divin amour, et il ne m'a laissé aucune crainte que celle du péché. Comme toute chose n'a de repos que dans son centre, et que chacun cherche ce qui lui est propre, mon cœur, tout abîmé dans son centre, qui est le cœur humble de mon Jésus, a une soif inaltérable des humiliations et mépris, et d'être oublié de toutes les créatures, ne me trouvant jamais plus satisfaite que lorsque je suis conforme à mon époux crucifié. C'est ce qui me fait aimer mon abjection plus que ma vie, tenant serré sur ma poitrine ce trésor précieux, comme un gage de l'amour de mon bien-aimé, qui ne me doit jamais quitter un seul moment. Lorsque je m'éveille, il me semble trouver à mon Dieu présent, auquel mon cœur s'unit comme à son principe et sa seule plénitude. C'est ce qui me donne une soif si ardente d'aller devant le Saint-Sacrement, que les moments que je demeure à m'habiller me durent des heures, et je me sens une douleur si vive et si pressante que je me sens liée et serrée si fortement qu'il m'est impossible d'y résister. Je m'en vais comme une malade languissante me présenter à mon médecin tout-puissant, hors duquel je ne peux trouver de repos ni de soulagement. Je me tiens à ses pieds comme une hostie vivante, qui n'a d'autre désir que de lui être immolée et sacrifiée, pour me consommer comme une holocauste dans les pures flammes de son amour, où je sens mon cœur se perdre comme dans une fournaise ardente. Il me semble que mon esprit s'éloigne de moi pour s'aller perdre dans l'immense grandeur de Dieu, sans qu'il soit à mon pouvoir de l'appliquer à mon point d'oraison, mais seulement il se contente de cet unique objet. Mon entendement demeure dans un aveuglement si grand qu'il n'a aucune lumière ni connaissance que celle que ce divin soleil de justice lui communique de temps en temps, dont je n'ai d'autre impression ni mouvement que celui de l'aimer, dont je me sens quelquefois si pressée que je voudrais donner ma vie mille fois pour lui témoigner le désir que j'ai de l'aimer. Et c'est en ce temps que j'emploie toutes mes forces pour l'embrasser, ce bien-aimé de mon âme, mais ce n'est pas des bras du corps, mais des intérieurs qui sont les puissances de mon âme. Elle cherche à exprimer davantage encore ce qu'elle éprouve, puis elle dit « Voilà les plus ordinaires occupations de mon oraison, non pas que je fais, mais que mon Dieu fait en moi, sa chétive créature, puisque j'en sors le plus souvent sans savoir ce que j'y ai fait, ni sans faire aucune résolution, demande, ni offrande, que celle de mon Jésus à son Père éternel en cette sorte. Mon Dieu, je vous offre votre Fils bien-aimé pour mon action de grâce, pour tous les biens que vous me faites, pour ma demande, mon offrande, pour mon adoration et pour toutes mes résolutions. Et enfin, je vous l'offre pour mon amour et mon tout. Recevez-le, Père éternel, pour tout ce que vous désirez que je vous rende, puisque je n'ai rien à vous offrir qui ne soit indigne de vous, sinon celui dont vous me donnez la jouissance avec tant d'amour. » Cette vraie humble était toujours un livre ouvert pour ses supérieurs. Elle leur apportait donc tout ce qui se passait en elle, quoique souvent, avoue-t-elle, je ne comprenais pas ce que je leur disais. Trop élevée dans les voies spirituelles pour ne pas savoir que Dieu est libre de se communiquer à qui lui plaît, et comme il lui plaît, la mère de Sommez et la sœur Touvent n'en sont pas moins perplexes, en voyant ce qui arrive à la sœur à la coque. La prudence religieuse les oblige au moins à prémunir cette jeune prophète contre tout sentiment de vaine complaisance, s'il en eût été besoin. Elles la préviennent que ces voies extraordinaires ne sont pas propres aux filles de Sainte Marie, et elles s'appliquent à détruire autant qu'elles peuvent toutes ces opérations surnaturelles en leurs fidèles disciples. Celle-ci se soumet suivant exactement tout ce que l'obéissance lui ordonne pour se retirer de cette puissance supérieure qui l'envahit et l'entraîne. Mais tout est inutile. Rien de plus touchant ni de plus beau que le dialogue qui s'établit alors entre sœur Marguerite Marie et son unique amour. Je me plaignais à lui. « Et quoi, lui disais-je, ô mon souverain maître, pourquoi ne me laisser dans la voie commune des filles de Sainte Marie ? M'avez-vous amené dans votre sainte maison pour me perdre ? Donnez ces grâces extraordinaires à ces âmes choisies, qui auront plus de correspondance et vous glorifieront plus que moi, qui ne vous fais que des résistances. Je ne veux rien que votre amour et votre croix, et cela me suffit pour être une bonne religieuse qui est tout ce que je désire. » Et notre Seigneur reprenait : « Combattons, ma fille, j'en suis content, et nous verrons lequel remportera la victoire, du Créateur ou de sa créature, de la force ou de la faiblesse, du tout-puissant ou de l'impuissance, mais celui qui sera vainqueur le sera pour toujours. » Et le Créateur triompha, et de cette âme qui ne demandait qu'être une bonne religieuse, il fit une sainte, dont il voulut avoir besoin pour réaliser extérieurement le dernier effort de la charité divine envers les hommes. Nous touchons alors marqués de toute éternité pour cette œuvre de la régénération du monde par le Sacré-Cœur. L'instrument qui doit y coopérer a été dégagé de tout alliage terrestre. Le Seigneur peut s'en emparer et s'en servir. Marguerite Marie est prête.